Les algorithmes ne se contentent pas d'analyser nos données. Ils fabriquent l'information que nous consommons. Prenez Melty.fr, ce pur player français qui a fait de l'infodivertissement son fonds de commerce depuis 2008. Derrière ses titres accrocheurs et ses formats courts se cache une mécanique implacable. Une collecte massive de données combinées à des algorithmes qui décident non seulement quoi publier, mais aussi comment le présenter. Les jeunes lecteurs de 18 à 24 ans, souvent désignés comme digital natives, ignorent généralement que chaque clic, chaque temps d'arrêt sur un article, chaque partage sur les réseaux sociaux nourrit un système conçu pour maximiser leur engagement. Les algorithmes de Melty analysent en temps réel vos comportements, les sujets qui suscitent votre intérêt, ceux qui vous font fuir, les formats qui vous retiennent. Résultat, une ligne éditoriale aseptisée, évitant soigneusement les sujets trop complexes ou anxiogènes pour privilégier l'actualité people, les listicles et le buzz. L'objectif n'est plus l'information, mais la rétention d'attention, cette monnaie d'échange que les annonceurs monétisent via de la publicité native si subtilement intégrée qu'elle en devient indistinguishable du contenu journalistique. Les données exploitées vont bien au-delà des simples traces de navigation, géolocalisation, centres d'intérêt, interactions sur les réseaux sociaux. Tout est croisé pour créer un profil si précis que les algorithmes anticipent presque vos désirs avant même que vous ne les formuliez. Cette personnalisation extrême, si elle semble pratique, enferme les lecteurs dans des bulles de filtres où la diversité des opinions et des débats publics s'efface au profit d'un univers informationnel limité, optimisé pour le plaisir immédiat. Pire encore, les jeunes consommateurs de ces contenus, habitués à cette logique de gratification instantanée, peinent à percevoir la manipulation algorithmique à l'œuvre. Une enquête menée auprès de 80 lecteurs révèle une conscience limitée des biais éditoriaux et une acceptation passive de ces mécanismes, tant que le contenu reste divertissant. Face à cette opacité, les futurs journalistes doivent impérativement s'armer de connaissances en data journalisme pour décrypter ces logiques, dénoncer les dérives du clickbait et exiger une transparence algorithmique digne de ce nom. Car l'enjeu n'est pas seulement professionnel, c'est celui de notre démocratie, où l'information ne doit pas devenir un produit de consommation comme un autre.